troisième volet d'une série de la Fabrique de l'Histoire sur l'histoire du Japon. Ce matin, nous nous intéressons à l'histoire des femmes et du féminisme au Japon. Après avoir évoqué lundi l'art des années 1960 au Japon, puis nous être approchés hier de la figure complexe de l'artiste Fujita, auquel le musée Mayol consacre à partir de la semaine prochaine une exposition à Paris, nous nous intéresserons ce matin à la place des femmes dans la société japonaise depuis la fin du 19e siècle et l'ère Meiji. Pour cette émission d'archives du mercredi, co-animée par Anaïs Quin, qui a préparé toute cette semaine avec nous, Mélodie Auru nous lira des textes choisis par nos invités. Isabelle Konuma, elle est en studio avec nous. Elle est maître de conférence à l'INALCO et spécialiste du droit et de la langue japonaise. Et elle est secrétaire de rédaction de la revue Sipango. Et Christine Lévy sera avec nous en duplex depuis les studios de Bordeaux de Radio France qui l'accueille. Elle est maître de conférence à Bordeaux-Montaigne en études japonaises. Elle est auteure entre autres de Genre et modernité au Japon, la revue Seito en 2014 aux archives du féminisme, et de Parcours féministe dans la littérature et la société japonaise. C'est aux éditions L'Harmattan. Puisque nous allons parler de droit, commençons par l'article 24 de la Constitution du Japon de 1946, Mélodie Auru. Le mariage est fondé uniquement sur le consentement mutuel des deux époux. Et son maintien est assuré par coopération mutuelle, sur la base des droits de nature similaire du mari et de la femme. En ce qui concerne le choix du conjoint, les droits de propriété, de succession, le choix du domicile, le divorce et autres questions se rapportant au mariage et à la famille, la législation est promulguée dans l'esprit de la dignité individuelle et de l'égalité fondamentale des sexes. On sait bien que dans le droit, il y a l'esprit et la lettre. En l'occurrence, nous venons d'entendre l'article 24 de la Constitution du Japon de 1946 qui proclame la dignité individuelle et l'égalité fondamentale des sexes. Bonjour à vous, Anaïs Quin. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à vous, Christine Lévy. Vous êtes en duplex depuis Bordeaux. Vous êtes spécialiste, entre autres, de la question du genre et du féminisme au Japon. Et bonjour à vous, Isabelle Konuma. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à l'INALCO, je l'ai dit, et spécialiste du droit japonais. Alors, quand on lit ce texte, on se dit, mais c'est formidable, l'égalité des sexes est parfaite, depuis 1946 au moins. Qu'en est-il dans les faits, si on remonte sur les premières constitutions élaborées à la fin du 19e siècle, sous l'ère Meiji, qu'en est-il justement de la place des femmes dans cet univers juridique japonais ? Oui, alors si on compare l'article 24 de la Constitution de 1946 avec par exemple la Constitution de 1889, de toute évidence c'est une nouveauté. Hein, effectivement, on parle de l'égalité des sexes. Alors j'ai pas cité l'article 14 qui est tout aussi importante en fait, puisqu'on parle de l'égalité des sexes de façon générale. Mmh. Et le mot qui est utilisé pour dire égalité est le mot byodo, donc c'est vraiment la traduction du mot occidental en japonais. L'article 24 est effectivement aussi une nouveauté parce qu'on introduit ce principe d'égalité au sein de la famille, c'est-à-dire que les époux sont égaux au sein de la famille. Et on a eu besoin en fait de réaffirmer, si vous voulez, cette égalité au sein même de la famille. Alors juste peut-être un petit commentaire sur le mot égalité, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans l'article 24, c'est pas le mot byodo qui est utilisé, c'est le mot en japonais, c'est fufudokuto no kenri, et c'est traduit par des droits de nature similaires du mari et de la femme. Et donc, il y a une certaine précaution néanmoins, on ne parle pas d'égalité entre époux et épouse, mais de droits de nature similaires. Anaïs Quin. Oui, là, on entend bien que tout amène à une mise en nuance et d'appréciation sur l'application, la mise en pratique de cet article. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ça veut dire que l'égalité a besoin de ce double niveau en réalité. Donc, un niveau extrêmement large, théorique, égalité des sexes, effectivement, l'article 14. Or, quand on doit parler de l'application effective de cette égalité, on se rend très vite compte qu'on ne peut pas parler d'une égalité totale. Là, on serait dans un domaine d'égalité absolue. Hein, donc, on a vite écarté cette idée-là et on a introduit la théorie de l'égalité relative, en fait, dans le domaine de la famille pour faire en sorte que tout simplement, on puisse discriminer les deux sexes. Alors, peut-être qu'il faut rappeler aussi le contexte de rédaction de cette constitution, puisqu'à ce moment-là, le Japon n'est pas dans sa pleine souveraineté. Il est occupé par les États-Unis hein, depuis 1945 et le sera jusqu'en 1952. Donc, ce texte constitutionnel est très fortement, voire directement rédigé par les forces américaines. Tout à fait. Alors, c'est quelque chose qui n'a pas été révélé jusqu'aux années 1990. Cet article a été rédigé par une jeune journaliste, justement. 22 ans à l'époque, qui s'appelle Beate Sirota, et qui a vécu donc au Japon jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Donc, elle était parfaitement bilingue, semble-t-il. Elle parlait parfaitement bien la langue japonaise. Elle connaissait très bien les conditions des femmes au Japon. Et donc, elle a tenu à tout prix à introduire en fait des dispositions relatives à l'égalité des sexes. Et par contre, dans la version de Beate Sirota, on parle d'égalité entre époux et épouse. Donc, vous voyez, il y a eu une modification. Une édulcoration, voilà. Au minimum, donc en 1946, pour la rédaction de cette constitution du Japon. Si on remonte plus haut, il faut peut-être remonter justement à cette fin du 19e siècle, en l'occurrence Christine Lévy. Que se passe-t-il à la fin du 19e siècle avec cette ère qu'on appelle l'ère Meiji, donc qui débute dans les années 1860 au Japon et qui va voir justement la mise en place de nouvelles constitutions qui vont être rédigées progressivement à la fin de ce même 19e siècle, dans ce contexte particulier de l'égalité, est-ce qu'on parle d'égalité à ce moment-là, ou du moins des rapports entre hommes et femmes au Japon, Christine Lévy? Oui, on commence très vite à parler de la question des femmes. Dans un premier temps, il y aura un débat sur la question du système de concubines. Il y a cette idée, alors là, dès 1873, hein, 5 ans après la restauration de Meiji, un débat est lancé par quelques intellectuels sur la nécessité de la monogamie, que pour être un pays civilisé, il faut adopter la monogamie. Donc il y a l'idée, et puis la moitié du gouvernement était partie en Occident, donc ils ont bien observé aussi cette différence de statut entre les femmes et les hommes, entre leur monde à eux et le monde occidental. Donc c'est une question, mais ils voudront limiter cette notion d'égalité, comme l'a expliqué Isabelle, pas en termes juridiques, mais le premier débat concernera surtout l'idée d'égalité au sein du couple, dans la famille, sans voir l'aspect juridique, mais avec l'idée d'une famille moderne. Ça fait son apparition. Et par ailleurs, il y a un mouvement qui va se dessiner, une décennie de mouvements pour la liberté et les droits démocratiques. Et au sein de ce mouvement, il y aura certaines voix qui vont défendre là vraiment l'égalité sur le plan juridique, politique, avec une participation aussi de femmes. Et ça, c'est complètement nouveau, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui parlent pour l'égalité des sexes dès cette période. Anaïs, donc, c'est assez remarquable. Je reviens, Isabelle Kounouma, sur cette réforme du statut des concubines qui va créer de très nombreux débats et va être modifiée à plusieurs reprises. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va créer un statut juridique pour elles et puis dans un deuxième temps, on va carrément les faire disparaître et faire même disparaître le vocable juridique de concubine. Donc on sent bien là une tension très forte qui se conclut d'ailleurs par une forme d'interdiction en creux. Avec une persistance sociale évidente des pratiques de polygamie malgré tout. Complètement. Donc en effet, ça a été l'une des premières réformes dans le domaine homme-femme, je dis bien dans les années 1870. Peut-être d'ailleurs qu'il faut caractériser, notamment là, ce qu'on appelle l'ère Meiji, c'est à la fois la restauration d'un régime impérial, mais aussi un moment de grande modernisation et de mise en concordance de la société japonaise avec certains certaines normes occidentales. Tout à fait. Donc le Japon avait besoin d'afficher une nouvelle image en fait du pays, notamment dans le domaine égalité homme-femme, même si les termes n'étaient pas utilisés dans ce sens-là et sous cette forme-là. Et l'un des problèmes dans le domaine de la famille, c'était effectivement l'existence de ces concubines, même si en termes de chiffres, enfin, elles n'étaient pas énormément nombreuses. En fait, elles étaient nombreuses, plus on était élevées dans les statuts sociaux, plus elles étaient nombreuses, hein, bien sûr. Mais en tout cas, c'était donc une polygamie de fait, d'une certaine façon, qui était garantie par le droit, en l'occurrence, oui. Puisqu'on celui qui avait plusieurs concubines se devait de les entretenir et également d'entretenir leur descendance en tant que père, justement, de cette descendance. Donc, il y avait, dans la société traditionnelle japonaise, cette place-là qui était faite particulière à ce concubinat. Et c'est justement cet ère Meiji qui va remettre en cause cette place des concubines dans la société japonaise. C'est cela, Isabelle Kozuma? Alors, en partie, mais il faut bien préciser que c'était pas un concubinage de fait. C'était un concubinage néanmoins reconnu et oui. Officialisé, formalisé. Et donc, c'était aussi une façon peut-être de protéger ses concubines, puisque le maître, entre guillemets, devait aussi les entretenir, etc. Il y avait une obligation réciproque, si on peut raisonner en ces termes-là. Ce qui va se passer dans les premières années de Meiji, c'est qu'on va remettre en question ce statut. On va effectivement faire disparaître les concubines dans un premier temps dans le droit pénal, par exemple. Donc, elles n'auront plus d'existence. Et ensuite, sur le plan de l'état civil également, donc elles vont disparaître progressivement hein, du paysage juridique. Elles disparaissent, mais pas leurs enfants. Mais pas leurs enfants, exactement. Donc elles ne seront plus protégées, justement, parce que le contrat de concubinage de mekake ne sera plus valable. Hein. Donc les juges ne vont plus reconnaître de valider à ce contrat en cas de procès, par exemple. Mais par contre, l'intérêt de cette institution, bien évidemment, c'est d'avoir des descendants. Hein. Donc si jamais l'épouse principale n'a pas de descendants, la concubine fournit cette descendance. Et les enfants des concubines vont par contre conserver un statut précis qui s'appelle shoshi, et qui sera repris même dans le code civil de 1898. Pourquoi donc, avec cette modernisation de la société japonaise, Christine Lévy, cette question de la monogamie vient-elle sur le devant de la scène dans ces rapports entre hommes et femmes dans cette société japonaise de la fin du 19e siècle? Pourquoi c'est cette question de la monogamie qui vient comme étant une sorte de référence de cette modernité dans laquelle veut se couler ce Japon impérial de l'ère Meiji, Christine Lévy? C'est pas la seule question qui va venir, mais c'est vraiment par rapport à la question du statut aussi de l'individu, c'est-à-dire la reconnaissance de la femme comme individu, et aussi une rupture importante avec le confucianisme. C'est-à-dire que dans les premières années de Meiji, il y aura un retour de bâton après, mais les intellectuels qui ont de l'influence, ce sont des intellectuels qui veulent rompre avec le modèle chinois, et le modèle chinois, c'est le confucianisme. Et à l'époque Edo, donc celle qui a précédé Meiji, le confucianisme était devenu vraiment l'idéologie officielle avec un statut de la femme qui est celle des trois soumissions, celle au père, celle au mari, puis celle au fils si le mari meurt, et les sept causes de répudiation qui étaient, bon, par exemple, la mésentente avec les beaux-parents, la jalousie, absence de progéniture, bavardage, enfin, voilà. Donc, il y a vraiment un effondrement du modèle chinois à la suite de la guerre de l'opium, et beaucoup d'intellectuels vont s'ouvrir vers un modèle occidental qui leur paraît bien supérieur sur le plan à la fois technique et militaire. Et d'ailleurs, Christine Lévy, on a la sensation que le débat prend justement dans ce milieu intellectuel, mais a assez peu d'efficacité en termes de progrès juridique et social. D'ailleurs, ces réformes vont plutôt mener à une rigidification des droits des femmes et pas tellement à une extension de leur autonomie dans ce nouveau cadre de réforme de l'ère Meiji. Oui et non. Là, je pense qu'Isabelle pourra développer. C'est-à-dire que finalement, à l'époque Meiji, ça serait un compromis. Parce que dès 1880, il y a un retour aussi du confucianisme. Il y a un retour sur la place de la femme. Parce que dans le mouvement pour les droits démocratiques, les femmes ont tenu un discours sur l'égalité des droits, puis certains penseurs. Et ce mouvement a été réprimé. Et donc, l'égalité des droits politiques a été vraiment interprétée par le gouvernement comme un mot d'ordre de l'opposition et quelque chose qu'il fallait réprimer. Et donc, c'est un débat qui dure une dizaine d'années avant de se refermer. Si ce débat commence en 1868 avec ce début d'ère Meiji et se referme dans les années 1880. Oui, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire c'est pas tout à fait le même, celui les cinq premières années, puis celui à partir de 74, parce qu'à partir de 74, il y a une crise gouvernementale, il y a une opposition très forte qui va se développer, et donc au sein de cette opposition, beaucoup de femmes participent. Alors, il y en a certaines qui sont connues, qui tiennent des discours politiques, mais maintenant on découvre aussi qu'il y a, dans certaines régions, des femmes qui allaient beaucoup aux meetings politiques, etc. Donc, c'est vraiment une période d'effervescence. Il y avoir une répression, et d'ailleurs il y aura des lois pour interdire aux femmes toute participation à la vie politique ou à des réunions politiques dès 1890, et puis des lois qui seront réitérées par la suite. Donc il y a eu cette, si vous voulez, il y a d'un côté la volonté d'une modernité, mais il ne faut pas aller trop loin dans les droits octroyés. Et donc on arrive à des situations de compromis un petit peu sur ce plan. Isabelle Coloma. Oui, alors sur ce point, alors j'aimerais aussi ajouter un autre point qui me paraît très important, c'est que l'influence du droit français est massive à cette période-là. Donc on traduit c'est le d'ailleurs point. Un français qui va rédiger une partie de la Constitution dans à la fin du 19e siècle, c'est ça? Alors il y a Boissonnade qui est là, hein, déjà, donc en tant que juriste, consulte, donc il systématiquement donne des conseils au gouvernement japonais. Et donc le droit français a une influence très importante, notamment le Code Napoléon de 1804, qui va exactement dans ce sens-là. Hein, c'est l'inégalité totale entre hommes et femmes. On en parle très peu, mais les femmes ne peuvent pas travailler sans l'autorisation du mari, ne peuvent pas signer un contrat, gérer ses propres biens. Donc elles ont un statut de mineure, en fait, incapable. Et donc les juristes japonais ont parfaitement une légitimité à défendre un certain modèle à ce moment-là, qui est un modèle d'inégalité. Égalité des sexes. Alors, si on avance un tout petit peu avec vous deux, Isabelle Coloma, et avec vous, Christine Lévy, le deuxième sexe, bien comme... Joli lapsus. Bien comme lapsus dans une émission sur les femmes au Japon. Le deuxième texte que nous avons choisi, que vous avez choisi, c'est un texte tiré de la revue Seito, sur laquelle vous travaillez et vous avez publié, Christine Lévy. C'est un texte de 1911, manifeste de la revue Seito. Vous pouvez nous présenter brièvement, avant que Mélodie Oru nous lise une partie de ce texte, ce qu'est cette revue, Christine Lévy? Oui, alors c'est une revue qui a été créée en 1911 par cinq anciennes étudiantes de la première université, une école d'enseignement supérieur qui n'avait pas vraiment le statut d'université, mais c'est surtout sa fondatrice, hein, son initiatrice, connue sous le nom de Laicho, qui a eu une jeunesse de révolte et qui a été encouragée par certains mentors pour créer une revue féminine littéraire. Mais en fait, elle avait l'intention de créer une revue beaucoup plus... disons, elle n'avait pas le terme de féministe à cette époque-là, mais elle voulait créer une revue où toutes les femmes pourraient s'exprimer. Donc ça a été une revue qui a eu un écho assez important. Elles ont très vite vendu environ à 3000 exemplaires à travers tout le Japon. Et c'est une revue qui a eu un écho très fort auprès de nombreuses filles, jeunes femmes qui avaient certaines ambitions littéraires ou de carrière. Et le texte qui sera lu, c'est un texte qu'elle a écrit en une seule nuit et qui a eu un écho formidable. Elle ne s'attendait pas du tout à cet écho-là. Donc c'est un texte qui est paru dans le premier numéro de la première revue fondée uniquement par des femmes. C'est juste un petit extrait, hein. C'est le début en fait, de ce manifeste qui fait plusieurs pages. 1911, donc lu par Mélodie Oru. À l'origine, la femme était réellement le soleil. Elle était un être authentique. Aujourd'hui, la femme est la lune. Elle est cette lune blafarde et maladive, celle qui vit dans la dépendance de l'autre, celle qui brille à la lumière de l'autre. Eh bien, ici, Seto pousse son premier cri de naissance. La revue Seto, créée pour la première fois par les cerveaux et les mains des Japonaises d'aujourd'hui, pousse son cri de naissance. Ce que font les femmes pour le moment ne suscite que rires moqueurs. Je sais parfaitement ce qui se cache derrière ces rires moqueurs. Mais je ne crains rien. Pourtant, que faire de cette misère que les femmes s'infligent à elles-mêmes par des hontes et humiliations répétées? La femme ne vaudrait-elle pas autre chose que du vomi? Non. Non, l'être authentique, c'est nous. en tant que femmes du monde actuel, nous avons fait tout notre possible. En puisant toutes les ressources de notre esprit, nous avons donné naissance à cet enfant, cette revue. Qu'il soit attardé, difforme, prématuré, nous nous en contenterons pour l'heure. Extrait du manifeste de la revue Seito de 1911 dans cette émission de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire du Japon, toute une série consacrée à l'histoire du Japon, mais aujourd'hui plus particulièrement à la condition des femmes et au féminisme au Japon du XXe siècle. Alors on comprend bien effectivement l'importance d'un texte aussi beau. Christine Lévy, vous dites que cette revue a eu tout de suite un impact. Est-ce que cela a eu un impact sur autre chose que les esprits? Est-ce que les lois ont été bouleversées ou est-ce que c'est resté dans un domaine très particulier qui est le domaine des idées, en l'occurrence, Christine Lévy? C'est une revue qui a duré 5 ans, de 1911 à 1916, donc elles n'ont pas eu le temps d'influer sur le plan juridique. Et par ailleurs, c'était pas vraiment leur but, parce que c'était une période au Japon où la répression politique et idéologique était très forte. On sortait juste d'une affaire de lèse-majesté où 24 militants avaient été condamnés à mort. Et donc, ce n'était pas vraiment une période favorable à des revendications politiques. Donc, elles sont restées beaucoup plus dans le domaine des idées, de la personnalité. Le souci, c'était beaucoup de prendre en main sa propre vie, et de surtout d'avoir un projet de vie, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas se contenter de l'idée de mariage. Il y a aussi beaucoup, il y a eu un impact dans le sens où toutes les questions qui ont été soulevées par cette revue ont été reprises par la suite. Et il y a des débats comme un débat sur l'avortement, on reviendra peut-être tout à l'heure, et c'est vrai que quand j'ai découvert cette revue, j'avais été très surprise de voir l'actualité des débats sur le droit à l'avortement. Il y a un débat sur la prostitution, il y a un débat alors sur la chasteté, donc ça c'est moins actuel, bien sûr, mais c'est vrai que c'est une revue qui a eu beaucoup d'impact sur les esprits, et aussi les personnalités qui se sont formées à travers cette revue ont eu une place importante par la suite dans la société japonaise, dans les mouvements de femmes pour le suffrage universel ou pour d'autres luttes aussi. Donc c'est une revue qui n'a pas eu un impact immédiat, mais qui a eu un impact important dans le sens de la formation de femmes capables d'occuper une place dans l'espace public et d'exprimer leur opinion. Donc de ce point de vue, c'est vraiment très important. Anaïs Kia. Alors justement, Isabelle Konouma, vous avez eu la gentillesse de traduire pour nous un extrait d'un article consacré à la question de l'avortement, publié dans Seito en 1915, qui d'ailleurs a valu, je crois, à la revue quelques ennuis avec la censure. Et donc ce texte s'intitule « D'une femme en prison à son homme » de Harada Satsuki. Le juge entra dans une rage incontrôlée et tapa du poing. « L'avortement, dit-il, est un crime bien plus grave que le nihilisme, puisqu'il ne se soucie ni de la disparition de l'humanité, ni de la destruction de la morale. » Alors que je répondais à ces questions la tête baissée, le bruit de la table me fit bondir et je vis, face à moi, un visage, rouge de colère, que je défiais, le regard inexpressif. « Vous n'avez donc aucune idée de ce que vous faites. Vous détruisez la vie humaine sans état d'âme. » Le juge m'aboya dessus. Je ne pus m'empêcher de répondre « Les femmes perdent chaque mois un nombre important d'ovules. La seule conception n'est pas suffisante pour que l'on ressente une vie ou une personnalité en nous. L'ovule fécondé n'est qu'une entité accessoire au corps maternel. Encore moins l'idée de porter un amour maternel à ce stade. Or, je n'ai jamais vu une personne qui s'était coupé le bras être condamnée pour cela. » France Culture, la Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. 9h30 sur France Culture, nous poursuivons notre discussion, l'émission du mercredi d'archives, donc à partir de textes qui sont lus pour nous par Mélodie Auru, donc sur la question de la condition des femmes au Japon au XXe siècle. Et là, on vient d'entendre un extrait d'un texte de la revue Seito de Harada Satsuki, d'une femme en prison à son homme, un texte de 1915 que vous avez eu la gentillesse de traduire pour nous. Isabelle Konouma, qu'est-ce qu'on peut dire de ce texte et de sa radicalité d'une certaine façon, parce que c'est un texte radical. Tout à fait. Donc là, on est face à une situation très concrète où le juge accuse une femme d'avoir fait recours à un avortement. Effectivement, en droit japonais, l'avortement est interdit à cette période-là. Donc le code pénal de 1880 l'a déjà interdit. C'est l'influence, encore une fois, du code pénal français dans ce domaine. Et c'est renouvelé dans la nouvelle version de 1907. Donc on est dans une période extrêmement rigide face à cette question-là, d'autant plus qu'on est dans une période nataliste depuis 1904. Donc tout est lié. Il y a donc une forme de répression à la fois morale, à la fois nataliste. On voit très bien qu'on insiste sur l'aspect inhumain de l'avortement, etc. Et donc effectivement, la position de l'héroïne est extrêmement radicale dans le sens où elle dit que finalement le fœtus, l'embryon à ce stade-là lui appartient, ça fait partie de son corps. Et l'expression utilisée est très intéressante, c'est une façon de se couper un bras. Je pense qu'en France, on n'utiliserait pas cette expression-là, on dirait plutôt une sorte de tumeur ou alors un polype. Je pense que ce sont des expressions qui sont très couramment utilisées en France. Donc voilà, cette comparaison me semble assez intéressante. Anaïs Kien. Et puis, grâce aux études sur les femmes, et sur tous les champs de leur vie, Christine Lévy, qui sont nées à la fin des années 60 et dans les années 70, on sait aussi que cette notion de maternité, du sentiment maternel, va marquer très fortement la vie et la place des femmes japonaises dans la société, dans l'entre-deux-guerres, cette période qui suit la Première Guerre mondiale, évidemment, et qui va accompagner également la Seconde Guerre mondiale pour les femmes. Christine Lévy. Oui, c'est-à-dire dans le féminisme japonais, il y a un débat qui est resté très célèbre autour de la question de la maternité, justement, parce que Laicho a été influencée assez rapidement par la fondatrice de la revue Seito, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, oui, tout à fait. A été influencée par Ellen Key, une Suédoise, qui avait une conception assez maternaliste du féminisme, puisqu'elle défendait aussi dans ce cadre la maternité hors mariage. Et ce que Laicho va reprendre, justement, elle va reprendre cette revendication de pouvoir avoir des enfants hors mariage. C'est d'ailleurs ce qui est très étonnant, c'est la grande influence, la grande attention des féministes japonaises à ce qui se fait à l'étranger. Oui. Dès ces premières années du XXe siècle. Ah oui, mais même avant, même à l'époque Meiji, quand je vous ai parlé de la période 1874-84, les textes de Stuart Mill, les textes féministes sont traduits très rapidement au Japon. Donc il y a une avidité, il y a une volonté de connaître. Donc la revue était partie non pas sur des principes féministes théoriques, mais à partir du moment où elle s'organise, très vite, il y a une volonté de connaissance et de s'approprier des textes. Et d'ailleurs, Hiratsuka Laicho va traduire de l'anglais des textes en japonais. Et d'autres, beaucoup de féministes de Seito vont traduire des textes de différentes féministes de cette époque occidentale. Donc c'est vrai que c'est un thème important. Quant à la maternité, c'est quelque chose qui prend une place importante dans les débats, parce qu'il y a des conflits aussi de position sur cette question. Le débat, en fait, se résume surtout en termes... Hiratsuka Laicho va revendiquer l'aide de l'État pour les femmes qui sont seules, qui élèvent seules les enfants ou qui ont des enfants, pour qu'elles ne dépendent pas nécessairement du mari. Et cette revendication va provoquer un débat par la réponse de Yosano Akiko, qu'on va présenter tout à l'heure, je pense, qui est une poétesse très très connue déjà à l'époque. Elle arrive. Et qui aura... Oui. Elle est déjà au maquillage, comme on dit à la télévision. Et qui aura une position très différente et qui dira qu'il faut que la femme soit déjà indépendante et déjà son indépendance et que demander de l'aide à l'État, c'est de l'assistanat. Voilà. Donc, alors, à partir de là, tout un débat va se développer. Une autre féministe, cette fois Yamakawa, qui est socialiste, va intervenir pour mettre un petit peu un terme à ce débat. Mais la question sera reprise par la suite et va occuper une place importante parce que dans les années 20 et puis surtout dans les années 30, il y a une politique nataliste et puis dans ce contexte, il y a aussi une prise de conscience du problème social des femmes qui sont des difficultés financières parce qu'avec la crise économique, il y a beaucoup de suicides de la mère avec les enfants. Oui, c'est une pratique qui était très courante au Japon, enfin très courante, mais qui était assez courante quand même. Mmh. Et donc, il y a une réponse sociale, de protection sociale sur cette question. Alors, on peut lire des textes étrangers, alors qu'on est japonais ou japonaise. On peut aussi se rendre à l'étranger, c'est ce que fait justement Yosano Akiko. Donc, en 1912, le séjour à Paris d'une japonaise, un texte lu par Mélodie Auru, qui vous commenterez ensuite à la fois Isabelle Konouma et Christine Lévy. Force est de constater que les femmes sont actives en Europe, tandis qu'elles sont tranquilles en Asie. Il y a certes une beauté propre à cette tranquillité, mais celle-ci ne me semble plus adaptée aux temps actuels. Je souhaite vivement que les femmes japonaises deviennent actives, le plus rapidement possible. Et en même temps, je crois que j'ai compris en venant en Europe que la beauté des femmes japonaises pouvait elle aussi occuper une place importante dans le monde. Cela nécessitera bien sûr un mouvement intérieur, car l'irrésolution pleine de douceur vue dans le passé ne permettrait pas un tel changement. Nous avons d'ailleurs déjà constaté au Japon les premiers effets de cet éveil, suite à la généralisation de l'instruction. Il y aura sans doute des gens pour dire que la beauté des femmes ne peut changer en une ou deux générations. Et d'ailleurs, loin de moi le désir de souhaiter que les Japonaises ressemblent aux Européennes. Ce n'est pas la physionomie qui est en question. J'aimerais simplement que les femmes japonaises montrent le même dynamisme et la même vitalité dans leur corps et dans l'expression de leur visage. Il y a d'ailleurs à Paris de très nombreuses femmes qui ont les yeux et les cheveux noirs à la manière des Japonaises. Non. S'il est difficile de confondre les Parisiennes et les Japonaises, c'est parce que ces dernières, elles, se font prendre en charge. Manquent du désir de faire avancer par elles-mêmes leur propre vie et par là se privent du plaisir de goûter à sa véritable richesse. Elles sont comme les fleurs artificielles, à qui il manque la vie. Ce que j'ai ressenti, c'est surtout la nécessité qu'il y avait pour les femmes japonaises de s'embellir d'une manière plus volontaire, élégante et plus éclatante. Extrait d'un texte de Yosano Akiko, donc séjour à Paris d'une japonaise en 1912, lu par Mélodie Auru. Qu'est-ce que nous dit ce texte, Christine Lévy et Isabelle Konouma, dans ce thème qui est le nôtre aujourd'hui, de l'évolution de la place et du droit des femmes dans la société japonaise tout au long du XXe siècle, Christine Lévy, puis Isabelle Konouma? Oui. Alors, c'est un texte très intéressant. 1912, la revue Seito a commencé. Et d'ailleurs, Yosano Akiko a envoyé un poème pour le premier numéro, puisque Hiratsuka Raicho lui avait rendu visite pour lui demander, pour lui expliquer le projet de la revue. Et à ce moment-là, Yosano Akiko est déjà une très grande poétesse reconnue sur la scène littéraire. Et donc, elle était revenue avec l'impression qu'elle avait été reçue un peu avec ironie. Et donc, elles ont été vraiment très, très contentes de recevoir le premier poème, qui est resté un poème très connu. Et donc, elle soutient le mouvement féministe au Japon. Elle avait même été contactée par un dirigeant socialiste qui lui avait demandé de s'engager dans un mouvement féministe. Elle avait refusé parce qu'elle avait trop d'occupations à la fois familiales et littéraires. Et on voit bien qu'elle souhaite vraiment de tout cœur la naissance d'un mouvement féministe. Et de ce point de vue, c'est intéressant ce qu'elle dit. C'est un peu le même état d'esprit que les femmes de Saito, à savoir le désir de rompre avec ce passé de passivité, le refus de la passivité qui était considéré comme la beauté féminine. Donc je pense qu'il y a une description vraiment très très intéressante de ce point de vue. Je crois que dans le texte après, elle insiste aussi sur le fait que d'un point de vue politique, l'Angleterre a pris de l'avance sur la France à ce moment-là. On a changé, c'est-à-dire qu'au milieu du 19e siècle encore, la France était un peu à l'avant-garde du mouvement féministe et c'est terminé. Le centre de gravité du mouvement féministe a changé. Et oui, c'est la grande époque des suffragettes en l'occurrence. Voilà, et les Japonais étaient très très observaient toujours ce qui se passait dans tous les pays et à la veille, d'ailleurs, de la création de la revue Saito, il y avait eu toute une série d'articles dans la presse quotidienne sur le mouvement des suffragettes, sur les correspondants qui décrivaient ce mouvement. Donc, les Japonais étaient au courant. Et beaucoup pensaient aussi que, inévitablement, cela arriverait au Japon et que le problème, c'était de savoir comment contenir ce mouvement. Isabelle Konuma. Voilà. Oui. Alors, peut-être comme élément de contextualisation de ce texte, le Japon est dans une période où on veut s'occidentaliser aussi. Donc, le corps est l'objet, en fait, de cette occidentalisation. Et donc, notamment à la fin des années 1910, au début des années 1920, on va chercher à occidentaliser la coiffure des femmes, par exemple, à leur mettre des vêtements plutôt occidentaux que les anciens vêtements traditionnels des kimonos. Et donc, ça a un nom, c'est le mouvement pour une vie nouvelle. Donc, c'est un mouvement qui est réellement porté à la fois par les pouvoirs politiques, mais aussi par la population. Voilà, donc je retrouve parfaitement en fait ces caractéristiques-là dans le texte de Osano Akiko. Elle parle des cheveux d'ailleurs. Voilà, des cheveux, exactement. Donc la façon de vivre et certainement cette envie de se moderniser. Et donc là, directement liée à cette forme d'occidentalisation, hein, va se retrouver dans les années 1950 lorsqu'on va relancer ces questions-là. Je vais faire un petit saut chronologique puisque le temps nous presse un petit peu. Christine Lévy, toutes ces recherches très récentes, ce texte de Yosano Akiko a été traduit et publié dans les travaux de Claire Dodan très récemment. Très récemment également, vous avez publié, organisé plusieurs colloques collectifs. On voit bien qu'à partir des années 70, il y a un fort désir et une mise en place d'institutions capables d'assumer des recherches sur l'histoire des femmes au Japon par les Japonaises elles-mêmes. Et vous insistez d'ailleurs sur le caractère transnational de ce féminisme qui n'est pas seulement japonais, mais qui est sud-asiatique d'une certaine façon, et notamment à travers les recherches sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, aussi bien du point de vue de la collaboration des femmes à l'effort de guerre, mais également en tant que victimes de ces guerres, et je pense notamment à ce grand moment qu'on a vécu il y a quelques années. On se rappelle bien de ce moment de médiatisation, de la redécouverte de ces victimes d'esclavage sexuel, de ces femmes de réconfort qu'avait organisé l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit bien aussi que ce mouvement intellectuel féministe cherche à écrire l'histoire de ces femmes et à y trouver aussi une énergie, une vitalité suffisante pour réfléchir au féminisme japonais d'aujourd'hui. Christine Lévy. Oui, tout à fait. Oui, en fait, il y a eu donc ce féminisme. On peut dire qu'il y a eu une parenthèse pendant la période militariste, la fin des années 30 à 45. Après 45, c'est vraiment le mouvement de démocratisation, donc des organisations démocratiques. Dans les années 70, il y a une redécouverte en fait de cette revue Saito, qui était tombée dans l'oubli à cause de la période de la guerre, avec un enthousiasme très important pour cette revue. Et ensuite, à partir des années 80, si vous voulez, il y a une recherche des féministes sur l'histoire du féminisme au Japon. Et il y aura à ce moment-là une autre découverte qui est celle de la collaboration de certaines grandes figures féministes à la guerre. Et c'est dans ce contexte aussi que va apparaître les revendications des anciennes femmes qui ont été esclaves sexuelles de l'armée japonaise. Et suite à la démocratisation, au mouvement de démocratisation en Corée, c'est des Coréennes vont venir au Japon porter l'affaire, revendiquer des indemnités sur le plan individuel. Et donc ça sera un choc pour les féministes aussi. Il y a vraiment, à partir des années 90, une remise en cause de l'histoire dans le cadre national, à cause de la critique de ces certaines figures qui ont collaboré à la guerre, et donc la nécessité de comprendre ce mouvement dans le sens d'une élaboration de la solidarité asiatique. Peut-être une petite précision. Donc, il y aura un procès, oui, un procès post-mortem de ces coupables d'avoir organisé cet esclavage sexuel pendant, oui, la Seconde Guerre mondiale en 2000, qu'on appelle le procès de Tokyo, alors qui n'a rien à voir avec les premiers procès de Tokyo, oui, de 1945, mais voilà, j'imagine, oui, que les auditeurs se souviennent quand même un petit peu de ça. C'est un procès qui est organisé par les féministes, par les organisations féministes et des groupes de soutien des différents pays, hein, de Philippines, d'Indonésie, de Corée du Nord, Corée du Sud, etc., autour de ces anciennes femmes qui ont été victimes donc de l'armée japonaise. On peut dire que c'est un tribunal d'opinion qui est organisé, qui aura un écho international. En revanche, qui n'aura pas un écho sur le plan national très, très important. C'est vrai que c'est une question importante pour les féministes japonaises qui ont commencé à vouloir rompre le cadre national de l'histoire. Isabelle Konuma, vous qui êtes spécialiste en particulier du droit et de son histoire au Japon, justement, on a commencé par 1946, une constitution qui se voulait égalitaire, et vous nous avez expliqué l'ambiguïté de ce terme d'égalité dans la société japonaise de l'après Seconde Guerre mondiale, et surtout le fait que c'était des Américaines et des Américains qui avaient rédigé ces passages sur l'égalité. Une jeune Américaine, en l'occurrence, sur l'égalité entre hommes et femmes dans la société japonaise. Qu'en est-il justement de ces débats liés à la redécouverte de cette histoire militariste, très virilisée, dont on parlera d'ailleurs demain dans l'émission conclusive de notre série. Qu'en est-il de ces débats sur cette virilisation de la société japonaise quant au domaine du droit et de la place des femmes dans la société des années 60 ou 70, qu'évoquait à l'instant même Christine Lévy avec la naissance et le développement d'un féminisme transnational au Japon? Oui, alors, en termes de virilisation de la société japonaise, hein, je pense que, je ne sais pas s'il y a une évolution hein, qui va dans ce sens-là, mais en tout cas, juridiquement parlant, effectivement, on parle vraiment d'une différenciation entre hommes-femmes. Et donc, cette différenciation ne choque nullement, en fait, les Japonais, ni les juristes, ni, je pense, ni même les femmes, en fait, qui vont créer des mouvements qui vont aller dans ce sens-là, d'ailleurs. Les femmes doivent s'épanouir en tant qu'épouses. Et donc, dans les années 50, 60, justement, il y aura des mouvements pour renforcer le statut des femmes mariées, par exemple. Donc, elles auront davantage de droits, de protection. Des femmes au foyer aussi. Des femmes au foyer, notamment. Oui, oui, bien sûr. Et donc, ça crée des discriminations vis-à-vis d'autres catégories de femmes, puisque, effectivement, des femmes célibataires avec des enfants se retrouvent en dehors de cette protection. Donc, je pense qu'il y a quand même d'emblée cette essentialisation de la femme à travers la maternité, et c'est quelque chose qui est encore extrêmement fort, je pense, dans la société d'après-guerre. Oui, oui, et donc peut-être même jusqu'à presque aujourd'hui, un extrait d'un texte de Tanaka Mitsu qui illustre le mouvement féministe des années 70 par Mélodie Oru, Anaïs Quin. Et traduit également par Isabelle Konuma, sans qui nous ne saurions rien, ce matin. Dans un état de chaos intérieur, ma véritable pensée est dédiée au temps présent, formée par l'envie de nier ma féminité, autant que par l'impossibilité d'effacer cette idée profondément ancrée en moi que les hommes aiment les femmes féminines. L'humain est constamment partagé entre des pensées contradictoires, et nous les femmes existons à la croisée de ces deux pensées. L'envie de m'adresser aux femmes en tant que femme est bel et bien réelle. Mais le dégoût d'être une femme l'est tout autant. Le RIBU, diminutif du Woman's Liberation, a comme prérequis ces deux pensées et démarre du chaos provoqué par cette contradiction. Gonna Voilà un texte de Tanaka Mitsu, poursuivi par le titre I'm Sorry Mama, I'm a Wild One, un groupe de rock féminin japonais, le 5678, donc qui est un groupe des années 2000. Isabelle Konuma, sur ce texte de Tanaka Mitsu et cette contradiction dont on voit que le mouvement féministe des années 70 est très emprunt entre cette tradition, cette histoire, pourrait-on dire, et cette place des femmes traditionnelles dans la société japonaise, et cette nécessité de la changer, cette place, de la faire évoluer. Oui, tout à fait. Alors, juste un point, c'est que le mouvement féministe japonais à cette période-là ne lutte pas de la même façon que les mouvements français, par exemple, puisque à cette période, l'avortement est quasiment dépénalisé au Japon. Donc, depuis 1948, les femmes peuvent avorter quasiment librement du moment où elles disent qu'elles ont des problèmes socio-économiques. Oui, parce que dans cet après-guerre, l'idée, c'est de limiter les naissances. Il y a un véritable eugénisme d'État pour permettre une reconstruction plus rapide. Tout à fait. On est dans un État, en fait, qu'on appelle néo-malthusianiste. Donc, on contrôle la naissance. On est dans une politique démographique antinataliste. Mais qui va être suivi d'une crise nataliste où là, effectivement, on manquera tout d'enfants. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on a attendu depuis très longtemps, ce qui se passe actuellement au Japon. Enfin, la population va décroître. Mais sauf que, voilà, on n'est plus dans les mêmes configurations politiques aujourd'hui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la lutte des mouvements féministes ne se situe pas au même niveau que les luttes françaises, par exemple, où on lutte pour le droit à l'avortement. Donc cette ambiguïté de Tanaka Mitsu, hein, qui est partagée entre plusieurs sentiments, je pense qu'on le retrouve aussi dans cette lutte contre l'avortement, puisqu'elle ne parle jamais de droit à l'avortement à cette période-là. Mmh. Oui, d'ailleurs, Christine Lévy, dans un de vos travaux, vous expliquez bien combien ce débat transnational, qui est à la fois aux États-Unis, en Europe et au Japon, en même temps dans les années 70, autour de la question, par exemple, de la contraception, eh bien, n'est pas le même, puisque vous expliquez qu'il y a, dès les années 70, au Japon, pas mal de féministes qui disent, par exemple, qu'elles ne veulent pas pratiquer la contraception parce que il y a la méfiance vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques, la médicalisation du corps des femmes, etc. Et surtout la déresponsabilisation des hommes. Et voilà, la déresponsabilisation des hommes, et tout cela, ça fait un débat très différent de celui que nous avons pu connaître dans les années 70 en Europe, par exemple, Christine Lévy. Oui, tout à fait. Alors, deux précisions quand même, parce que d'un côté, pour l'avortement, elles vont se mobiliser pour le maintien du droit à l'avortement. Mmh. Hein, parce que dès les années 70, quand même, c'est vrai qu'il y a eu une politique néo-malthusianiste et eugéniste, mais dès les années 70, la droite au pouvoir, le PLD, veut amender ce droit pour limiter, parce qu'ils commencent à trouver qu'il n'y a pas assez d'enfants. Donc, mais ils ne vont pas y arriver. Donc, elles se mobilisent vraiment pour le maintien de cette loi. Et d'ailleurs, dans les années 80, il y aura un très grand mouvement de solidarité de tous les groupes de femmes et des groupes féministes pour empêcher l'amendement qui restreindrait trop le droit à l'avortement. Donc elles défendent le droit à l'avortement, mais c'est pas du tout les mêmes conditions qu'en Europe où d'abord il n'y a pas le tabou religieux et le droit est déjà là. Donc il s'agit plutôt de défendre quelque chose. Quant à la contraception, elles ne sont pas contre la contraception, mais elles sont contre la pilule. Alors c'est aussi là, c'est vrai, c'est très, très spécifique et très différent de la France, par exemple, où il y a une méfiance par rapport à la pilule, parce que aussi le Japon a connu quelques drames écologiques. Bon, il y a eu la maladie de Minamata, où beaucoup de femmes se sont engagées. Et il y a eu aussi les conséquences du somnifère thalmidoïde qui avait provoqué des dégâts vraiment considérables en Allemagne et aussi au Japon. Et donc, elles sont vraiment dans une méfiance. Et il y a aussi une différence, je pense, qui tient à ce que pour elles, la libération sexuelle, c'est pas la libération des femmes, c'est pas ce qui est vraiment à l'ordre du jour. Et ça, c'est une différence importante dans le sens où elles ont le sentiment toujours que la libération sexuelle, dans un rapport de force inégal, ce sera une liberté pour les hommes, mais pas pour elles. Et je pense que c'est cette conscience qui est importante. Et c'est vrai qu'elles parlent beaucoup de la question de la responsabilisation des hommes aussi, qui est un point important et qui n'est pas négligeable non plus, hein, comme point de vue, je pense. Mais c'est vrai que c'est complexe. On est dans une situation assez complexe. Oui, d'ailleurs, lorsqu'on survole les quelques choses traduites en français, on sent une profonde mélancolie du doute et une grande dissension entre les mouvements féministes japonais, parce que évidemment, il y a de grands débats. Elles sont d'accord sur la question de l'avortement, pas du tout sur la question de la pilule. On sent qu'une énergie et une vitalité du débat entre les mouvements féministes japonais qui est tout à fait stimulant. Christine Lévy. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme elles n'ont pas les mêmes, elles n'ont pas à s'opposer à l'Église ou à l'interdit de l'avortement, elles ont un débat qui est très en avance, je pense, sur la question de l'eugénisme, pour des raisons historiques aussi. Mmh. Mais c'est vrai qu'elles elles posent les questions de la légitimité ou pas de l'eugénisme, de la place des handicapés dans la société. Mmh. Donc elles sont déjà dans une étape de changement de regard par rapport à la place des handicapés dans la société, et ça c'est quelque chose qui nous rejoint aujourd'hui, donc elles ont aussi un peu d'avance, je pense, sur cette question-là. Isabelle Konouma, pour conclure cette émission, justement, sur ces années 70 et ces débats qui se poursuivent encore dans la société japonaise d'aujourd'hui, brièvement. Alors j'aimerais juste revenir quand même sur, au cadre de cette émission, la question d'opposer modernité et tradition. Finalement, ma vraie question est celle-ci. Pourquoi les femmes japonaises sont systématiquement associées à cette modernité et tradition? Pourquoi on n'associe pas les femmes françaises à ce cadre-là? Là, je pense qu'il y a vraiment des choses à creuser, comprendre ce qu'on vit, nous, en France, à travers ce reflet en négatif, finalement, des femmes traditionnelles japonaises. Voilà. Quand on voit toute cette histoire-là, je pense qu'on ne vit pas fondamentalement des choses différentes avec la France. La France a énormément influencé, mais pourquoi on ne parle pas de femmes traditionnelles françaises? Voilà, ça c'est une question qui me préoccupe un peu. C'est un regard, changer le regard anthropologique sur les femmes japonaises, c'est ce que vous voulez dire? Exactement, c'est-à-dire voilà. Avec une sorte d'esthétisation ou de regard de loin. Qu'est-ce qu'on cherche, voilà, à travers ces images qui sont souvent des clichés, hein, donc des femmes japonaises. Qu'est-ce qu'on cherche, nous, Français, à travers ces images? Ça, c'est une grande interrogation pour moi. C'est une excellente question pour conclure ce débat. Isabelle Konouma, je rappelle que vous êtes spécialiste du droit et de la langue japonaise, que vous enseignez en tant que maître de conférence à l'INALCO, que vous êtes secrétaire de rédaction de la revue Sipango, dont il faut conseiller la lecture pour tous ceux qui s'intéressent justement à ces questions d'histoire et d'anthropologie du Japon. Le dernier numéro est consacré à quoi, par exemple? Le dernier numéro, ça sera sur la migration et la reproduction au Japon. C'est tout à fait dans le sujet. Et quant à vous, Christine Lévy, qui étiez accueillie donc dans les studios de Radio France à Bordeaux, où vous enseignez en tant que maître de conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne en études japonaises. Vous êtes l'auteur, entre autres, de Genre et modernité au Japon, la revue Seito aux archives du féminisme, et de Parcours féministe dans la littérature et la société japonaise. C'est à l'Harmattan. Merci à vous, Mélodie Auru, et merci à vous, Anaïs Kien. On se retrouve demain donc pour le débat conclusif. On parlera des garçons demain. Oui, c'est ça, on a parlé des femmes, on va parler des garçons. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marsay. Théo Gomard nous a accompagnés à la technique aujourd'hui et Séverine Cassard à la réalisation.